Je vous parle de temps que les moins de 30 ans ne peuvent pas connaître. Mada en ce temps-là, avec ses soirées chata et toutes ces filles qui se déhanchaient au rythme de la basse ne voulant plus dormir. C'est là qu'on s'est connu, toi qui criais LG et moi qui te chantais. Hey yo, hey yo, hey yo, digital. En termes de chata, qui monde qui plus chata que nous? Qui monde qui plus mada que nous? Qui monde qui plus gaza que nous? Y'a qui monde les bois da que nous? Hey. Qui monde qui plus chata? Qui monde qui plus mada? Qui monde qui gon chat ina yobe gaza? Excusez-moi madame, mais votre poum poum rend ma tête fraca. Hey. Fok fok, fais un choix, ni gimme ou bambi. Ou pas aimer PD ainsi mais ou reste en bi. Ou les mains depuis longtemps, mais baby reste tranquille. Si c'est pas et puis femme moi nos baby le stampi. Ou pas aimer crivette, pas aimer bon lambi. En carré qui bat à dents et ou cabre congi. En la jolle cabal douce, détenu qu'on que blanji. Les en sorti des wo faut que ça fait longi. Sa vieux, sa ancien contre manji. Sa vieux, sa ancien contre manji. Sa vieux, sa ancien contre Jumanji, sa vieux, sa ancien contre Jumanji, sa vieux, sa ancien contre Jumanji. Il y a ça là, y'a qui babin bon manji. Nous dépé mélanger, mélange nabi et coco obligé ni danger. Adam en cabane, en pacajou les pachas. Ou savent très bien bah qui ça, en y penchant. Ou c'est un gaz bamoué, après l'an est pichon. On nous maille comme nous tout de suite pour éviter les péchés. Sa vieux, sa ancien contre Jumanji. Sa vieux, sa ancien contre Jumanji. Sa vieux, sa ancien contre Jumanji. Sa vieux, sa ancien contre Jumanji. Qui monde qui plus chata que nous? Qui monde qui plus mada que nous? Qui monde qui plus gaza que nous? Y'a qui monde les bois da que nous? Qui monde qui plus chata? Qui monde qui plus mada? Qui monde qui a gon chat ina yobe gaza? Excusez-moi madame, mais votre poum poum rend ma tête fraca. Sa vieux, sa ancien contre Jumanji. Sa vieux, sa ancien contre Jumanji. Sa vieux, sa ancien contre Jumanji. Sa vieux, sa ancien contre Jumanji.